J'vois des faux frères. J'vois des faux frères. Faux frères. On a tous des faux frères. Faux frère, faux frère. Impliqué dans une histoire de vol, tu te fais serrer. C'est bizarre, tu vois sortir ton pote et toi t'es déféré. C'est ton ref, tu le protèges, vous avez fait les 400 coups. Mais une fois que l'histoire se corse, tu vois que ce traître frappe en doux. T'as lu sa déposition et le ton s'est agité. T'apprends qu'il a acquitté, mais que ton nom est déjà cité. Au milieu du comico, tu voudrais te faire ce gros mytho. Qui sous la pression des dieux balance ses frères incognito. Tu prends sur toi, tu t'humilies, tu la fermes. C'est au fil des heures que se multiplie la haine. Tu te dis qu'une fois que tu sors, tu vas lui faire goûter la terre. T'es dégoûté sa mère, prêt à lui découper la terre. Protège ta joue, y'a des faux frères partout. Mauvais parcours, violence, drogué par tous. Y'a pas de malaise dans la réponse spontanée d'un frère. Vaut mieux avancer seul qu'être accompagné d'un traître. Tu devrais garder tes distances, car le très très proche. Il te mettra en confiance pour te faire les poches. Il t'appellera mon frère comme un sale hypocrite. Parmi ses animaux fils, blanche marque les amis nocifs. Le faux frère fera tout pour te voir figé à terre. Si au début il est si proche, c'est pour te niquer ta mère. Il est présent dans tous les quartiers, même dans tous les groupes. Coupa sans sa spécialité, donc protège-moi en dessous des couilles. Tu l'as rencontré en galère un soir d'hiver. Il t'a dit frère j'ai un bail mais sois discret. Un peu plus tard ouais c'est là que ça se compliquera. Pour être privé de liberté suffit jusqu'à qu'on puisse craquer. Méfie-toi car la confiance peut rendre aveugle. T'aimes ta femme sans savoir que ton meilleur pote la rendra aveugle. Entouré de faux et tu te demandes là je parle à qui. Nique les traits de grosse patate. Bon mais je termine par la kick. Pour lui tu serais même prêt à perdre ton tas. Pour des thunes combien finissent sous une pierre tombale. Triste époque, nos jours tes propres fans trahis. Soit t'es mort dans le film Farhan Zahir. Un jour trop de faux frères te la mêlent. Si t'as fait des erreurs ouais faut faire avec. Soit personne oh, toi tu t'es fait tout seul. Mais un soir ton meilleur pote fait pas te la mettre en douce. Tu devrais garder tes distances car le très très proche. Il te mettra en confiance pour te faire les poches. Il t'appellera mon frère comme un sale hypocrite. Parmi ses animaux fils blanche marque les amis nocifs. Le faux frère fera tout pour te voir figé à terre. Si au début il est si proche c'est pour te niquer ta mère. Il est présent dans tous les quartiers, même dans tous les groupes. Coupa sans sa spécialité donc protège-moi en dessous des coups. Tu devrais garder tes distances car le très très proche. Il te mettra en confiance pour te faire les poches. Il t'appellera mon frère comme un sale hypocrite. Parmi ses animaux fils blanche marque les amis nocifs. Le faux frère fera tout pour te voir figé à terre. Si au début il est si proche c'est pour te niquer ta mère. Il est présent dans tous les quartiers, même dans tous les groupes. Coupa sans sa spécialité donc protège-moi en dessous des couilles.